J'coopère avec la lune pour qu'elle éclaire ma plume. C'est clair, l'idée d'écrire ma plus grande source d'inspiration demeure chacune de mes aspirations. Et si la fume freine, sache que sur mon art je règne avec la rime comme reine sereine. Ma mélodie se rêve, mais l'on dit que la poésie se rêve, donc la mienne sera brève. Au fil du temps, j'assimile avec lassitude que l'homme a beau avoir 6000 habitudes, rien ne gomme ses similitudes. Il consent par habitude tout ce qu'on lui donne par gratitude. Donc je gratitude tube, et si je rate ce petit tube, c'est que trop de MC m'entube. Même si ça me fait souvent un coup de pub, vos critiques sont de vrais coups de pute dont je ne les écoute plus. Merci à tous ceux qui m'ont supporté, ceux qui ont su me porter quand le temps m'emporte. Vous m'avez tant apporté, peu importe le passé, je m'efforce maintenant de le dépasser. Merci à tous ceux qui m'ont supporté, ceux qui ont su me porter quand le temps m'emporte. Vous m'avez tant apporté, peu importe les regrets, je vous porte dans mon cœur à jamais. Je me revois l'ensemble des injures, disons à ma mère je te le jure. Ma poésie est juste un murmure, ne quittera jamais mes quatre murmures. J'en fais mon armure, apparemment je n'étais pas si mûr. Aujourd'hui ma musique me poursuit, mais je veux tout et tout de suite. J'ai des doutes pour la suite, je redoute même de prendre la fuite. Alors que ma route n'est même pas définie, je suis dans une impasse, perdu dans l'infini. La passe, la perdure, l'infini. Je vous parle de mes rêves qui défilent, qui m'enlèvent et me défient. Mais je m'élève et tire profit de ma relève et de mon profil. On m'a dit file avant que le rap te distance. Est-ce que me distant d'auditeurs hésitants? Mais je prends de la hauteur, oui c'est moi l'auteur de ces quelques vers qui me servent aujourd'hui de moteur. Merci à tous ceux qui m'ont supporté, ceux qui ont su me porter quand le temps m'emporte. Vous m'avez tant apporté, peu importe le passé, je m'efforce maintenant de le dépasser. Merci à tous ceux qui m'ont supporté, ceux qui ont su me porter quand le temps m'emporte. Vous m'avez tant apporté, peu importe les regrets, je vous porte dans mon cœur à jamais, à jamais. Merci à tous ceux qui m'ont supporté, ceux qui ont su me porter quand le temps m'emporte. Vous m'avez tant apporté, peu importe le passé, je m'efforce maintenant de le dépasser. Merci à tous ceux qui m'ont supporté, ceux qui ont su me porter quand le temps m'emporte. They say that things just cannot grow beneath the winter snow. So I have been told. Voilà 2 heures que je me penche sur ma feuille blanche, que l'inspiration me manque, c'est étrange. Mes rêves s'accrochent à mes phalanges, l'envie de tout vous dire me démange. Ma plume est guidée par des anges, la lune m'éclaire dans l'échange. C'est ta mère, tu me qui me change. C'est quoi mère, me consumer me dérange. Et peu importe les enjeux, il y a les uns qui te portent et les autres les rageux. Ceux qui te supportent, ceux qui te découragent. Ouais j'ai passé l'âge de me fier à vos présages. Ouais je suis un peu présage pour savoir que ma musique est métissage dans un monde sans message. Dont je dois dépendre, je peux m'éprendre, mais qui peut prétendre vouloir s'étendre sur mes rêves les plus tendres. J'ai beau avoir la voix, je demande qu'à avoir la voix dans laquelle on m'envoie. J'ai beau avoir la foi, m'envoie la voix, m'envoie la voix dans laquelle on m'envoie. Que je t'aime. They say that they-